J'ai longtemps cherché cette mélodie mystérieuse, entêtante mais insaisissable, que je percevais au fond de moi durant l'enfance. La nuit, au crépuscule ou à l'aurore, loin, à l'ombre des montagnes ou dans le lit blanc du fleuve, sur l'immense tapis des plaines ou sous les sombres pins, en ces lieux où seule la rêverie et l'errance peuvent mener, elle est là. C'est le souffle qui m'inspire, la sève qui me nourrit, le battement sourd de mon cœur tambour. Un sentiment ancien et nouveau à la fois, qui naît, croît et meurt au gré des saisons. Combien de vies antérieures depuis notre dernière naissance? Qu'il est dur de poser des mots sur cette musique sans parole et de faire jaillir l'éclat élémentaire qu'un poème traduit et trahit comme le parfum profond et pourtant si simple de la rose.